Section 1 de La Symphonie Pastorale par André Gide. Premier cahier. 10 février 1880, 27 février. À Jean Schlumberger. 10 février 1880. La neige, qui n'a pas cessé de tomber depuis 3 jours, bloque les routes. Je n'ai pu me rendre à R, où j'ai coutume, depuis 15 ans, de célébrer le culte, 2 fois par mois. Ce matin, 30 fidèles seulement se sont rassemblés dans la chapelle de la Brévine. Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude. J'ai projeté d'écrire ici tout ce qui concerne la formation et le développement de cette âme pieuse, qu'il me semble que je n'ai fait sortir de la nuit que pour l'adoration et l'amour. Béni soit le Seigneur pour m'avoir confié cette tâche. Il y a 2 ans et 6 mois, comme je remontais de la Chaux-de-Fonds, une fillette que je ne connaissais point vint me chercher, en toute hâte, pour m'emmener à 7 kilomètres de là, auprès d'une pauvre vieille qui se mourait. Le cheval n'était pas dételé, je fis monter l'enfant dans la voiture après m'être muni d'une lanterne, car je pensais ne pas pouvoir être de retour avant la nuit. Je croyais connaître admirablement tous les entours de la commune, mais passé la ferme de la Saudraye, l'enfant me fit prendre une route où jusqu'alors je ne m'étais jamais aventuré. Je reconnus pourtant, à 2 kilomètres de là, sur la gauche, un petit lac mystérieux où, jeune homme, j'avais été quelquefois patiné. Depuis 15 ans, je ne l'avais plus revu, car aucun devoir pastoral ne m'appelle de ce côté. Je n'aurais plus su dire où il était, et j'avais à ce point cessé d'y penser qu'il me sembla, lorsque, tout à coup, dans l'enchantement rose et doré du soir, je le reconnus, ne l'avoir d'abord vu qu'en rêve. La route suivait le cours d'eau qui s'en échappait, coupant l'extrémité de la forêt, puis longeant une tourbière. Certainement, je n'étais jamais venu là. Le soleil se couchait et nous marchions depuis longtemps dans l'ombre lorsque, enfin, ma jeune guide m'indiqua du doigt, à flanc de coteau, une chaumière qu'on eût pu croire inhabitée sans un mince filet de fumée qui s'en échappait, bleuissant dans l'ombre, puis blondissant dans l'or du ciel. J'attachai le cheval à un pommier voisin, puis rejoignis l'enfant dans la pièce obscure où la vieille venait de mourir. La gravité du paysage, le silence et la solennité de l'heure m'avaient transi. Une femme, encore jeune, était à genoux, près du lit. L'enfant, que j'avais prise pour la petite fille de la défunte, mais qui n'était que sa servante, alluma une chandelle fumeuse, puis se tint immobile au pied du lit. Durant la longue route, j'avais essayé d'engager la conversation, mais n'avais pu tirer d'elle 4 paroles. La femme agenouillée se releva. Ce n'était pas une parente, ainsi que je supposais d'abord, mais simplement une voisine, une amie, que la servante avait été chercher lorsqu'elle vit s'affaiblir sa maîtresse et qui s'offrit pour veiller le corps. La vieille, me dit-elle, s'était éteinte, sans souffrance. Nous convînmes ensemble des dispositions à prendre pour l'inhumation et la cérémonie funèbre. Comme souvent déjà, dans ce pays perdu, il me fallait tout décider. J'étais quelque peu gêné, je l'avoue, de laisser cette maison, si pauvre que fût son apparence, à la seule garde de cette voisine et de cette servante, enfant. Toutefois, il ne paraissait guère probable qu'il y eût dans un recoin de cette misérable demeure quelque trésor caché. Et qu'y pouvais-je faire? Je demandais néanmoins si la vieille ne laissait aucun héritier. La voisine prit alors la chandelle qu'elle dirigea vers un coin de foyer, et je pus distinguer, accroupi dans l'âtre, un être incertain, qui paraissait endormi. L'épaisse masse de ses cheveux cachait presque complètement son visage. Cette fille aveugle, une nièce, à ce que dit la servante, c'est à quoi la famille se réduit, paraît-il. Il faudra la mettre à l'hospice, sinon je ne sais pas ce qu'elle pourra devenir. Je m'offusquais d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ces brutales paroles pourraient lui causer. « Ne la réveillez pas, » dis-je doucement, pour inviter la voisine tout au moins à baisser la voix. « Oh, je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas et ne comprend rien à ce qu'on dit. Depuis ce matin que je suis dans la pièce, elle n'a pour ainsi dire pas bougé. J'ai d'abord cru qu'elle était sourde, la servante prétend que non, mais que simplement la vieille, sourde elle-même, ne lui adressait jamais la parole, non plus qu'à quiconque, n'ouvrant plus la bouche depuis longtemps que pour boire ou manger. Quel âge a-t-elle ? Une quinzaine d'années, je suppose. Au reste, je n'en sais pas plus long que vous. Il ne me vint pas aussitôt à l'esprit de prendre soin moi-même de cette pauvre abandonnée. Mais après que j'eus prié, ou plus exactement, pendant la prière que je fis entre la voisine et la petite servante, toutes deux agenouillées au chevet du lit, agenouillées moi-même, il m'apparut soudain que Dieu plaçait sur ma route une sorte d'obligation et que je ne pouvais pas, sans quelque lâcheté, m'y soustraire. Quand je me relevais, ma décision était prise d'emmener l'enfant le même soir, encore que je ne me fusse pas nettement demandé ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais. Je demeurai quelques instants encore à contempler le visage endormi de la vieille, dont la bouche, plissée et rentrée, semblait tirée comme par les cordons d'une bourse d'avare, instruite à ne rien laisser échapper. Puis, me retournant du côté de l'aveugle, je fis part à la voisine de mon intention. « Mieux vaut qu'elle ne soit point là demain, quand on viendra lever le corps, » dit-elle, et ce fut tout. Bien des choses se feraient facilement, sans les chimériques objections que parfois les hommes se plaisent à inventer. Dès l'enfance, combien de fois sommes-nous empêchés de faire ceci ou cela que nous voudrions faire, simplement parce que nous entendons répéter autour de nous « il ne pourra pas le faire ». L'aveugle s'est laissé emmener comme une masse involontaire. Les traits de son visage étaient réguliers, assez beaux, mais parfaitement inexpressifs. J'avais pris une couverture sur la paillasse où elle devait reposer d'ordinaire dans un coin de la pièce, au-dessous d'un escalier intérieur qui menait au grenier. La voisine s'était montrée complaisante et m'avait aidé à l'envelopper soigneusement, car la nuit très claire était fraîche, et après avoir allumé la lanterne du cabriolet, j'étais reparti, emmenant blotti contre moi ce paquet de chair sans âme et dont je ne percevais la vie que par la communication d'une ténébreuse chaleur. Tout le long de la route, je pensais, dort-elle, et de quel sommeil noir, et en quoi la veille diffère-t-elle ici du sommeil ? Hôtesse de ce corps opaque, une âme attend sans doute, emmurée, que vienne la toucher enfin quelques rayons de votre grâce, Seigneur. Permettrez-vous que mon amour, peut-être, écarte d'elle l'affreuse nuit ? J'ai trop souci de la vérité pour taire le fâcheux accueil que je dus essuyer à mon retour au foyer. Ma femme est un jardin de vertu. Et même dans les moments difficiles qu'il nous est arrivé parfois de traverser, je n'ai pu douter un instant de la qualité de son cœur. Mais sa charité naturelle n'aime pas à être surprise. C'est une personne d'ordre qui tient à ne pas aller au-delà, non plus qu'à rester en deçà du devoir. Sa charité même est réglée comme si l'amour était un trésor épuisable. C'est là notre seul point de conteste. Sa première pensée, lorsqu'elle m'a vu revenir ce soir-là avec la petite, lui échappa dans ce cri « De quoi encore est-ce que tu as été te charger ?» Comme chaque fois qu'il doit y avoir une explication entre nous, j'ai commencé par faire sortir les enfants, qui se tenaient là, bouche bée, pleins d'interrogations et de surprises. Ah, combien cet accueil était loin de celui que j'eusse pu souhaiter. Seule ma chère petite Charlotte a commencé de danser et de battre les mains quand elle a compris que quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, allait sortir de la voiture. Mais les autres, qui sont déjà stylés par la mère, ont vite fait de la refroidir et de lui faire prendre le pas. Il y eut un moment de grande confusion. Et comme ni ma femme ni les enfants ne savaient encore qu'ils eussent affaire à une aveugle, ils ne s'expliquaient pas l'attention extrême que je prenais pour guider ses pas. Je fus moi-même tout décontenancé par les bizarres gémissements que commença de pousser la pauvre infirme, sitôt que ma main abandonna la sienne que j'avais tenue durant tout le trajet. Ses cris n'avaient rien d'humain. On eût dit l'échappement plaintif d'un petit chien. Arrachée pour la première fois au cercle étroit de sensations coutumières qui formaient tout son univers, ses genoux fléchissaient sous elle. Mais lorsque j'avançais vers elle une chaise, elle se laissa crouler à terre comme quelqu'un qui ne saurait pas s'asseoir. Alors, je la menai jusqu'auprès du foyer, et elle reprit un peu de calme lorsqu'elle put s'accroupir dans la position où je l'avais vue d'abord, auprès du foyer de la vieille, à côté au manteau de la cheminée. En voiture, déjà, elle s'était laissée glisser au bas du siège, et avait fait tout le trajet, blottie à mes pieds. Ma femme, cependant, m'aidait, dont le mouvement le plus naturel est toujours le meilleur. Mais sa raison sans cesse lutte et souvent l'emporte contre son cœur. « Qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ça ? » reprit-elle, après que la petite fut installée. Mon âme frissonna en entendant l'emploi de ce neutre, et j'eus peine à maîtriser un mouvement d'indignation. Cependant, encore tout imbu de ma longue et paisible méditation, je me contins et tournai vers eux tous qui, de nouveau, faisaient cercle. Une main posée sur le front de l'aveugle, « Je ramène la brebis perdue, » dis-je, avec le plus de solennité que je pus. Mais Amélie n'admet pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de déraisonnable ou de surraisonnable dans l'enseignement de l'Évangile. Je vis qu'elle allait protester, et c'est alors que je fis un signe à Jacques et à Sarah, qui, habitués à nos petits différends conjugaux, et du reste peu curieux de leur nature, souvent même insuffisamment à mon gré, emmenèrent les deux petits. Puis, comme ma femme restait encore interdite et un peu exaspérée, me semblait-il, par la présence de l'intruse, « Tu peux parler devant elle, » ajoutai-je, « la pauvre enfant ne comprend pas. » Alors Amélie commença de protester que certainement elle n'avait rien à me dire, ce qui est le prélude habituel des plus longues explications, et qu'elle n'avait qu'à se soumettre, comme toujours, à ce que je pouvais inventer de moins pratique et de plus contraire à l'usage et au bon sens. J'ai déjà écrit que je n'étais nullement fixé sur ce que je comptais faire de cet enfant. Je n'avais pas encore entrevu, ou que très vaguement, la possibilité de l'installer à notre foyer. Et je puis presque dire que c'est Amélie qui d'abord m'en suggéra l'idée lorsqu'elle me demanda si je pensais que nous n'étions pas déjà assez dans la maison. Puis elle déclara que j'allais toujours de l'avant sans jamais m'inquiéter de la résistance de ceux qui suivent. Que pour sa part, elle estimait que 5 enfants suffisaient, que depuis la naissance de Claude, qui précisément à ce moment, et comme en entendant son nom, se mit à hurler dans son berceau, elle en avait son compte et qu'elle se sentait à bout. Aux premières phrases de sa sortie, quelques paroles du Christ me remontèrent du cœur aux lèvres, que je retins pourtant, car il me paraît toujours malséant d'abriter ma conduite derrière l'autorité du Livre Saint. Mais dès qu'elle argua de sa fatigue, je demeurai penaud, car je reconnais qu'il m'est arrivé plus d'une fois de laisser peser sur ma femme les conséquences d'élans inconsidérés de mon zèle. Cependant, ces récriminations m'avaient instruit sur mon devoir. Je suppliai donc très doucement Amélie d'examiner si, à ma place, elle n'eût pas agi de même, et s'il lui eût été possible de laisser dans la détresse un être qui, manifestement, n'avait plus sur qui s'appuyer. J'ajoutai que je ne m'illusionnais point sur la somme de fatigue nouvelle que le soin de cette hôtesse infirme ajouterait aux soucis du ménage, et que mon regret était de ne l'y pouvoir plus souvent seconder. Enfin, je l'apaisai de mon mieux, la suppliant aussi de ne point faire retomber sur l'innocente un ressentiment que celle-ci n'avait en rien mérité. Puis je lui fis observer que Sarah désormais était en âge de l'aider davantage, Jacques de se passer de ses soins. Bref, Dieu mit dans ma bouche les paroles qu'il fallait pour l'aider à accepter ce que je m'assure qu'elle eût assumé volontiers si l'événement lui eût laissé le temps de réfléchir et si je n'eusse point ainsi disposé de sa volonté par surprise. Je croyais la partie à peu près gagnée et déjà ma chère Amélie s'approchait bienveillamment de Gertrude, mais soudain son irritation rebondit de plus belle lorsque, ayant pris la lampe pour examiner un peu l'enfant, elle s'avisa de son état de saleté indicible. « Mais c'est une infection » s'écria-t-elle. « Brosse-toi, brosse-toi vite. Non, pas ici. Va te secouer dehors. Ah, mon Dieu, les enfants vont en être couverts. Il n'y a rien au monde que je redoute autant que la vermine. » Indéniablement, la pauvre petite en était peuplée, et je ne pus me défendre d'un mouvement de dégoût en songeant que je l'avais si longuement pressée contre moi dans la voiture. Quand je rentrai, 2 minutes plus tard, après m'être nettoyée de mon mieux, je trouvai ma femme effondrée dans un fauteuil, la tête dans les mains, en proie à une crise de sanglots. « Je ne pensais pas soumettre ta Constance à une pareille épreuve, » lui dis-je tendrement. « Quoi qu'il en soit, ce soir il est tard et l'on n'y voit pas suffisamment. Je veillerai pour entretenir le feu auprès duquel dormira la petite. Demain nous lui couperons les cheveux et la laverons comme il faut. » Tu ne commenceras à t'occuper d'elle que quand tu pourras la regarder sans horreur. » Et je la priai de ne point parler de cela aux enfants. Il était l'heure de souper, ma protégée, vers laquelle notre vieille Rosalie, tout en nous servant, jetait force regards hostiles, dévora goulûment l'assiette de soupe que je lui tendis. Le repas fut silencieux. J'aurais voulu raconter mon aventure, parler aux enfants, les émouvoir, en leur faisant comprendre et sentir l'étrangeté d'un dénuement si complet, exciter leur pitié, leur sympathie pour celle que Dieu nous invitait à recueillir, mais je craignis de raviver l'irritation d'Amélie. Il semblait que l'ordre eût été donné de passer outre et d'oublier l'événement, encore qu'aucun de nous ne put assurément penser à rien d'autre. Je fus extrêmement ému quand, plus d'une heure après que tous furent couchés et qu'Amélie m'eût laissée seule dans la pièce, je vis ma petite Charlotte entr'ouvrir la porte, avancer doucement, en chemise et pieds nus, puis se jeter à mon cou et m'étreindre sauvagement en murmurant « Je ne t'avais pas bien dit bonsoir ». Puis tout bas, désignant du bout de son petit index l'aveugle qui reposait innocemment et qu'elle avait eu curiosité de revoir avant de se laisser aller au sommeil, « Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas embrassée ? Tu l'embrasseras demain. À présent, laissons-la. Elle dort. » lui dis-je en la raccompagnant jusqu'à la porte. Puis je revins me rasseoir et travaillai jusqu'au matin, lisant ou préparant mon prochain sermon. Certainement, pensais-je, il m'en souvient, Charlotte se montre beaucoup plus affectueuse aujourd'hui que ses aînés. Mais chacun d'eux à cet âge ne m'a-t-il pas d'abord donné le change ? Mon grand Jacques lui-même, aujourd'hui si distant, si réservés. On les croit tendres, ils sont cajoleurs et câlins. 27 février. La neige est tombée encore abondamment cette nuit. Les enfants sont ravis parce que bientôt, disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. Le fait est que ce matin, la porte est bloquée et que l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. J'en profite pour continuer ce récit que je commençais hier. J'ai dit que je ne m'étais point trop demandé, lorsque j'avais ramené cette infirme, quelle place elle allait pouvoir occuper dans la maison. Je connaissais le peu de résistance de ma femme. Je savais la place dont nous pouvions disposer et nos ressources, très limitées. J'avais agi comme je le fais toujours, autant par disposition naturelle que par principe, sans nullement chercher à calculer la dépense où mon élan risquait de m'entraîner, ce qui m'a toujours paru anti-évangélique. Mais autre chose est d'avoir à se reposer sur Dieu ou à se décharger sur autrui. Il m'a paru bientôt que j'avais déposé sur les bras d'Amélie une lourde tâche, si lourde que j'en demeurais d'abord confondu. Je l'avais aidée de mon mieux à couper les cheveux de la petite, ce que je voyais bien qu'elle ne faisait déjà qu'avec dégoût. Mais quand il s'agit de la laver et de la nettoyer, je dus laisser faire ma femme, et je compris que les plus lourds et les plus désagréables soins m'échappaient. Au demeurant, Amélie n'éleva plus la moindre protestation. Il semblait qu'elle eût réfléchi pendant la nuit et pris son parti de cette charge nouvelle. Même elle y semblait prendre quelque plaisir, et je la vis sourire après qu'elle eut achevé d'apprêter Gertrude. Un bonnet blanc couvrait la tête rase où j'avais appliqué de la pommade. Quelques anciens vêtements à Sarah et du linge propre remplacèrent les sordides haillons qu'Amélie venait de jeter au feu. Ce nom de Gertrude fut choisi par Charlotte et accepté par nous tous aussitôt, dans l'ignorance du nom véritable que l'orpheline ne connaissait point elle-même et que je ne savais où retrouver. Elle devait être un peu plus jeune que Sarah, de sorte que les vêtements que celle-ci avait dû laisser depuis un an lui convenaient. Il me faut avouer ici la profonde déception où je me sentis sombrer les premiers jours. Certainement, je m'étais fait tout un roman de l'éducation de Gertrude, et la réalité me forçait par trop d'en rabattre. L'expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue, glaçait jusqu'à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour auprès du feu, sur la défensive, et dès qu'elle entendait nos voix, surtout dès que l'on s'approchait d'elle, ses traits semblaient durcir. Il ne cessait d'être inexpressif que pour marquer l'hostilité. Pour peu que l'on s'efforçât d'appeler son attention, elle commençait à geindre, à grogner comme un animal. Cette bouderie ne cédait qu'à l'approche du repas que je lui servais moi-même et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale des plus pénibles à observer. Et de même que l'amour répond à l'amour, je sentais un sentiment d'aversion m'envahir devant le refus obstiné de cette âme. Oui, vraiment, j'avoue que les 10 premiers jours, j'en étais venu à désespérer et même à me désintéresser d'elle, au point que je regrettais mon élan premier et que j'eusse voulu ne l'avoir jamais emmenée. Et il advenait ceci de piquant, c'est que, triomphant un peu devant ces sentiments que je ne pouvais pas bien lui cacher, Amélie prodiguait ses soins d'autant plus et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu'elle sentait que Gertrude me devenait à charge et que sa présence parmi nous me mortifiait. J'en étais là quand je reçus la visite de mon ami, le docteur Martin, du Val-Travers, au cours d'une de ses tournées de malades. Il s'intéressa beaucoup à ce que je lui dis de l'état de Gertrude, s'étonna grandement d'abord de ce qu'elle fût restée à ce point arriérée, n'étant somme toute qu'aveugle. Mais je lui expliquai qu'à son infirmité s'ajoutait la surdité de la vieille, qui seule jusqu'alors avait pris soin d'elle, et qui ne lui parlait jamais, de sorte que la pauvre enfant était demeurée dans un état d'abandon total. Il me persuada que dans ce cas j'avais tort de désespérer, mais que je ne m'y prenais pas bien. « Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t'être assuré d'un terrain solide. Songe que tout est chaos dans cette âme, et que même les premiers linéaments n'en sont pas encore arrêtés. Il s'agit pour commencer de lier en faisceau quelques sensations tactiles et gustatives, et d'y attacher, à la manière d'une étiquette, un son, un mot que tu lui rediras à satiété, puis tâcheras d'obtenir qu'elle redise. Surtout, ne cherche pas d'aller trop vite. Occupe-toi d'elle à des heures régulières, et jamais très longtemps de suite. Au reste, cette méthode, ajouta-t-il, après me l'avoir minutieusement exposée, n'a rien de bien sorcier. Je ne l'invente point, et d'autres l'ont appliquée déjà. Ne t'en souviens-tu pas? Du temps que nous faisions ensemble notre philosophie, nos professeurs, à propos de Condillac et de sa statue animée, nous entretenaient déjà d'un cas analogue à celui-ci. À moins, fit-il, en se reprenant, que je n'ai lu cela plus tard, dans une revue de psychologie. N'importe. Cela m'a frappé, et je me souviens même du nom de cette pauvre enfant, encore plus déshéritée que Gertrude, car elle était aveugle et sourde-muette, qu'un docteur de je ne sais plus quel comté d'Angleterre recueillit vers le milieu du siècle dernier. Elle avait nom Laura Bridgman. Ce docteur avait tenu journal, comme tu devrais faire, des progrès de l'enfant, ou du moins, pour commencer, de ses efforts à lui pour l'instruire. Durant des jours et des semaines, il s'obstina à lui faire toucher et palper alternativement deux petits objets, une épingle, puis une plume, puis toucher sur une feuille imprimée à l'usage des aveugles le relief des deux mots anglais, pin et pen, et durant des semaines, il n'obtint aucun résultat. Le corps semblait inhabité. Pourtant, il ne perdait pas confiance. Je me faisais l'effet de quelqu'un, racontait-il, qui penchait sur la margelle d'un puits profond et noir, agiterait désespérément une corde dans l'espoir qu'enfin une main la saisisse. Car il ne douta pas un instant que quelqu'un ne fût là, au fond du gouffre, et que cette corde à la fin ne soit saisie. Et un jour, enfin, il vit cet impassible visage de Laura s'éclairer d'une sorte de sourire. Je crois bien qu'à ce moment, des larmes de reconnaissance et d'amour jaillirent de ses yeux, et qu'il tomba à genoux pour remercier le Seigneur. Laura venait tout à coup de comprendre ce que le docteur voulait d'elle. Sauvée. À partir de ce jour, elle fit attention. Ses progrès furent rapides. Elle s'instruisit bientôt elle-même et par la suite devint directrice d'un institut d'aveugles, à moins que ce ne fût une autre, car d'autres cas se présentèrent récemment dont les revues et les journaux ont longuement parlé, s'étonnant à qui mieux, un peu sottement à mon avis, que de telles créatures puissent être heureuses. Car c'est un fait. Chacune de ces emmurées était heureuse, et sitôt qu'il leur fut donné de s'exprimer, ce fut pour raconter leur bonheur. Naturellement, les journalistes s'extasiaient, en tiraient un enseignement pour ceux qui, jouissant de leurs cinq sens, ont pourtant le front de se plaindre. Ici s'engagea une discussion entre Martin et moi, qui regimbait contre son pessimisme et n'admettait point que les sens, comme il semblait l'admettre, ne servissent en fin de compte qu'à nous désoler. « Ce n'est point ainsi que je l'entends, protesta-t-il. Je veux dire simplement que l'âme de l'homme imagine plus facilement et plus volontiers la beauté, l'aisance et l'harmonie que le désordre et le péché, qui partout ternissent, avilissent, tachent et déchirent ce monde, et sur quoi nous renseignent et tout à la fois nous aident à contribuer nos cinq sens. De sorte que plus volontiers je ferai suivre le Furtanatos Nimium de Virgile de Si sua mala nesciant que du Si sua bona norint. Qu'on nous enseigne. Combien heureux les hommes s'il pouvait ignorer le mal. Puis il me parla d'un conte de Dickens, qu'il croit avoir été directement inspiré par l'exemple de Laura Bridgman, et qu'il promit de m'envoyer aussitôt. Et 4 jours après, je reçus en effet le grillon du foyer, que je lus avec un vif plaisir. C'est l'histoire un peu longue, mais pathétique par instant, d'une jeune aveugle que son père, pauvre fabricant de jouets, entretient dans l'illusion du confort, de la richesse et du bonheur, mensonge que l'art de Dickens s'évertue à faire passer pour pieux, mais dont, Dieu merci, je n'aurais pas à user avec Gertrude. Dès le lendemain du jour où Martin était venu me voir, je commençais de mettre en pratique sa méthode et m'y appliquais de mon mieux. Je regrette à présent de n'avoir point pris note, ainsi qu'il me le conseillait, des premiers pas de Gertrude sur cette route crépusculaire, où moi-même je ne la guidais d'abord qu'en tâtonnant. Il y fallut dans les premières semaines plus de patience que l'on ne saurait croire, non seulement en raison du temps que cette première éducation exigeait, mais aussi des reproches qu'elle me fit encourir. Il m'est pénible d'avoir à dire que ces reproches me venaient d'Amélie, et du reste, si j'en parle ici, c'est que je n'en ai conservé nulle animosité, nulle aigreur, je l'atteste solennellement pour le cas où plus tard ces feuilles seraient lues par elles. Le pardon des offenses ne nous est-il pas enseigné par le Christ, immédiatement à la suite de la parabole sur la brebis égarée? Je dirai plus. Au moment même où j'avais le plus à souffrir de ses reproches, je ne pouvais lui en vouloir de ce qu'elle désapprouva ce long temps que je consacrais à Gertrude. Ce que je lui reprochais plutôt, c'était de n'avoir pas confiance que mes soins puissent remporter quelque succès. Oui, c'est ce manque de foi qui me peinait, sans me décourager du reste. Combien souvent j'eus à l'entendre répéter « Si encore tu devais aboutir à quelque résultat !» Et elle demeurait obtusément convaincue que ma peine était vaine, de sorte que naturellement il lui paraissait malséant que je consacrasse à cette œuvre un temps qu'elle prétendait toujours qu'il serait mieux employé différemment. Et chaque fois que je m'occupais de Gertrude, elle trouvait à me représenter que je ne sais qui ou quoi attendait cependant après moi, et que je distrayais pour celle-ci un temps que j'eusse dû donner à d'autres. Enfin, je crois qu'une sorte de jalousie maternelle l'animait, car je lui entendis plus d'une fois me dire « Tu ne t'es jamais autant occupé d'aucun de tes propres enfants. » Ce qui était vrai, car si j'aime beaucoup mes enfants, je n'ai jamais cru que j'eusse beaucoup à m'occuper d'eux. J'ai souvent éprouvé que la parabole de la brebis égarée reste une des plus difficiles à admettre pour certaines âmes, qui pourtant se croient profondément chrétiennes. Que chaque brebis du troupeau prise à part puisse, aux yeux du berger, être plus précieuse à son tour que tout le reste du troupeau pris en bloc. Voici ce qu'elles ne peuvent s'élever à comprendre. Et ces mots, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ces mots tout rayonnants de charité, si elles osaient parler franc, elles les déclareraient de la plus révoltante injustice. Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. Car cette brebis, si le pasteur la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont jamais égarés. Oui, je le dis en vérité. Jamais sourire d'aucun de mes enfants ne m'a inondé le cœur d'une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue, certain matin, où brusquement elle sembla commencer à comprendre et à s'intéresser à ce que je m'efforçais de lui enseigner depuis tant de jours. Le 5 mars. J'ai noté cette date comme celle d'une naissance. C'était moins un sourire qu'une transfiguration. Tout à coup ses traits s'animèrent. Ce fut comme un éclairement subit, pareil à cette lueur purpurine dans les hautes Alpes, qui précédant l'aurore fait vibrer le sommet neigeux qu'elle désigne et sort de la nuit. On eût dit une coloration mystique, et je songeais également à la piscine de Bethesda au moment que l'ange descend et vient réveiller l'eau dormante. J'eus une sorte de ravissement devant l'expression angélique que Gertrude put prendre soudain, car il m'apparut que ce qui la visitait en cet instant n'était point tant l'intelligence que l'amour. Alors, un tel élan de reconnaissance me souleva qu'il me sembla que j'offrais à Dieu le baiser que je déposais sur ce beau front. Autant ce premier résultat avait été difficile à obtenir, autant les progrès sitôt après furent rapides. Je fais effort aujourd'hui pour me remémorer par quel chemin nous procédâmes. Il me semblait parfois que Gertrude avança par bonds, comme pour se moquer des méthodes. Je me souviens que j'insistais d'abord sur les qualités des objets plutôt que sur la variété de ceux-ci. Le chaud, le froid, le tiède, le doux, l'amer, le rude, le souple, le léger, puis les mouvements, écartés, rapprochés, levés, croisés, couchés, noués, dispersés, rassemblés, etc. Et bientôt, abandonnant toute méthode, j'en vins à causer avec elle sans trop m'inquiéter si son esprit toujours me suivait, mais lentement l'invitant et la provoquant à me questionner à loisir. Certainement un travail se faisait en son esprit durant le temps que je l'abandonnais à elle-même, car chaque fois que je la retrouvais, c'était avec une nouvelle surprise, et je me sentais séparé d'elle par une moindre épaisseur de nuit. C'est tout de même ainsi, me disais-je, que la tiédeur de l'air et l'insistance du printemps triomphent peu à peu de l'hiver. Que de fois n'ai-je pas admiré la manière dont fond la neige. On dirait que le manteau s'use par en dessous, et son aspect reste le même. À chaque hiver, Amélie y est prise et me déclare « La neige n'a toujours pas changé. On la croit épaisse encore quand déjà la voici qui cède, et tout à coup, de place en place, laisse reparaître la vie. » Craignant que Gertrude ne s'étiolât à demeurer auprès du feu sans cesse comme une vieille, j'avais commencé de la faire sortir. Mais elle ne consentait à se promener qu'à mon bras. Sa surprise et sa crainte d'abord, dès qu'elle avait quitté la maison, me laissèrent comprendre, avant qu'elle eût su me le dire, qu'elle ne s'était encore jamais hasardée au dehors. Dans la chaumière où je l'avais trouvée, personne ne s'était occupé d'elle autrement que pour lui donner à manger et l'aider à ne point mourir, car je n'ose point dire à vivre. Son univers obscur était bornée par les murs même de cette unique pièce qu'elle n'avait jamais quittée. À peine se hasardait-elle, les jours d'été, au bord du seuil, quand la porte restait ouverte sur le grand univers lumineux. Elle me raconta plus tard qu'entendant le chant des oiseaux, elle imaginait alors un pur effet de la lumière, ainsi que cette chaleur même qu'elle sentait caresser ses joues et ses mains, et que, sans du reste y réfléchir précisément, il lui paraissait tout naturel que l'air chaud se mît à chanter, de même que l'eau se met à bouillir près du feu. Le vrai, c'est qu'elle ne s'en était point inquiétée, qu'elle ne faisait attention à rien et vivait dans un engourdissement profond, jusqu'au jour où je commençais à m'occuper d'elle. Je me souviens de son inépuisable ravissement lorsque je lui appris que ses petites voix émanaient de créatures vivantes, dont il semble que l'unique fonction soit de sentir et d'exprimer l'éparse joie de la nature. C'est de ce jour qu'elle prit l'habitude de dire « Je suis joyeuse comme un oiseau ». Et pourtant, l'idée que ces chants racontaient la splendeur d'un spectacle qu'elle ne pouvait point contempler avait commencé par la rendre mélancolique. « Est-ce que vraiment, disait-elle, la terre est aussi belle que le racontent les oiseaux? Pourquoi ne le dit-on pas davantage? Pourquoi, vous, ne me le dites-vous pas? Est-ce par crainte de me peiner en songeant que je ne puis la voir? Vous auriez tort. J'écoute si bien les oiseaux. Je crois que je comprends tout ce qu'ils disent. Ceux qui peuvent y voir ne les entendent pas si bien que toi, ma Gertrude, lui dis-je en espérant la consoler. Pourquoi les autres animaux ne chantent-ils pas? Reprit-elle. Parfois ces questions me surprenaient et je demeurais un instant perplexe, car elle me forçait de réfléchir à ce que jusqu'alors j'avais accepté sans m'en étonner. C'est ainsi que je considérais pour la première fois que, plus l'animal est attaché de près à la terre, et plus il est pesant, plus il est triste. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre, et je lui parlais de l'écureuil et de ses jeux. Elle me demanda alors si les oiseaux étaient les seuls animaux qui volaient. « Il y a aussi les papillons, lui dis-je. Est-ce qu'ils chantent ? Ils ont une autre façon de raconter leur joie, repris-je. Elle est inscrite en couleur sur leurs ailes, et je lui décrivis la bigarrure des papillons. Fin de la section 1.